ça. Mais quand je te revois, c'est tout mon corps qu'on se désarme. Et plus jamais qu'il stade sur la personne. Quand comprendras-tu que ton absence me tue? Ne te fais pas, je suis toujours à la vue. Oh, tu sais trop bien à quel point je suis. Et si je jure de penser là, c'est à que tu te reverras plus. Tempête, les vagues vaguement m'ont déchaîné. Retourne-moi, chaviré, tout espoir, j'ai envolé. Au vent, tristesse, que chaillé-moi, très loin, oh non, non. Et si c'est ça l'endroit, oui, bien rété. Yes, I'm a travesti, right?